Vous écoutez ce futur simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission avec Mustapha Lahr qui a coutume de nous parler des sujets du domaine médical. Alors c'est normal parce que c'est son domaine. Et aujourd'hui, il nous parle d'une nouvelle épidémie, celle de la myopie. Bonjour Mustapha. Bonjour François. Pour commencer, je voudrais poser une petite question d'abord. Donc, oui. Quel est le point commun entre Matisse, James Dean et François Hollande? Je n'en ai pas la moindre idée. La myopie, probablement. C'est ça. Ils sont tous myopes. Ah. Donc, si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la myopie, c'est à l'occasion d'un congrès international qui s'est tenu en Australie au mois de mars dernier et qui a réuni les spécialistes du monde entier, spécialistes dans la matière. En fait, ce congrès vient après que l'OMS ait lancé l'alerte d'une épidémie de myopie qui sévit ces dernières années. Est-ce que tu peux faire un rappel de ce qu'est la myopie? Parce que des fois, on peut confondre avec la myopie, presbytie, hypermétropie, astigmatisme. Tout ça, ça peut être compliqué dans la tête des gens. Tout à fait. Bien que je sois un peu dans le domaine de l'œil, même moi, je confonds encore. Donc, une façon simple de s'en rappeler, c'est de connaître le latin ou le grec. Pour les autres comme moi, il faut se rappeler juste que le mot myopie est tiré du grec qui signifie « à courte vue ». La myopie fait référence donc à une condition visuelle ou un trouble où les gens ont de la difficulté pour voir des objets situés loin d'eux. Mmh. La vision de proche par contre n'est pas affectée. Ceci est dû principalement à une focalisation de la lumière qui vient des objets devant la rétine au lieu de se faire sur la rétine elle-même. Ce qui fait que la projection de ce point de focalisation est une tache floue sur la rétine. En moyenne, à partir de 5 mètres, on parle d'un objet situé au loin. Ok. Et quelles sont les causes de la myopie, Mustapha? En général, pour comprendre les causes, il faut savoir qu'un œil myope est un œil trop long. Ok, c'est un œil qui s'est allongé, c'est ça? En fait, c'est ça. Soit qui est déjà long dès le départ, ou qui s'est allongé avec le temps. C'est pour ça que des fois, on est myope de naissance ou on devient myope. Et pour la majorité du monde, c'est on devient myope avec le temps. D'accord. Notre œil est normal au départ et puis il s'allonge. D'accord. Donc, ce qui fait que la distance entre la cornée et la rétine est bien trop longue. Ainsi, la projection des objets ne se fait plus sur la rétine, comme je l'ai mentionné, mais devant la rétine, parce que cette distance est trop longue entre cornée et rétine. Et c'est la rétine qui a reculé, en fait? Non, c'est tout l'œil là, qui est allongé. Ok. Donc, la rétine, entre autres. C'est ça. Donc, la distance entre la rétine et la cornée s'allonge aussi. Exactement. Donc, elle devient plus grande. C'est ça. Et plusieurs origines peuvent être donc mises en cause. On peut comprendre que l'apparition dès la naissance de la myopie chez certains individus est due à la génétique, parce qu'elle est là dès le départ. Bien qu'on n'ait pas encore déterminé le gène responsable ou les gènes qui seraient impliqués dans la myopie, les efforts sont focalisés de la recherche pour identifier les gènes responsables. Et à date, on a identifié environ 100 régions du génome qui sont reliées à la myopie. Nul doute aussi que la prédominance de la génétique dans l'apparition de la myopie est certaine. Il suffit de regarder la prévalence de la maladie. Les Asiatiques sont en général très touchés par la myopie, de même qu'il existe aussi des familles où toutes les personnes sont myopes. Toutefois, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie jouent aussi un rôle. La majorité des personnes deviennent myopes en général à l'adolescence ou un peu plus tard à l'âge adulte, notamment s'ils font régulièrement appel à une lecture qui demande concentration ou une vision de proche. Par exemple, chez les étudiants, par exemple. Ah, qui lisent beaucoup, là, c'est ça. C'est ça. On fait vraiment un grand effort de vision de proche. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile de s'avancer pour quantifier ou départager entre les différentes causes qui mènent à la myopie. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'épidémie de myopie alors? Parce que tout simplement, on rapporte une explosion sans précédent de ce trouble oculaire ces dernières années. On rapporte une augmentation considérable depuis le milieu des années 90. Au Canada, par exemple, on estime qu'il y a 30% de myopes, 40% aux États-Unis. De façon assez similaire d'ailleurs avec l'Europe. Et ces pourcentages ont doublé en 30 ans. Mais c'est surtout en Asie que l'épidémie est la plus fulgurante. La proportion a doublé et même triplé dans certaines régions du sud-est asiatique sur les 40 dernières années. À titre d'exemple, en Corée du Sud, la proportion des jeunes adultes, c'est-à-dire les jeunes qui ont environ 20 ans, en 1955, on avait 18% de ces jeunes qui étaient myopes. En 2011, on avait 96% de ces jeunes qui étaient myopes. À titre d'exemple aussi, à Taïwan, en 2009, on avait 85% des jeunes adultes qui étaient myopes, 84% à Guangzhou, en Chine. En 2011, à Singapour, on dénombrait pas mal de 82% de myopes. Mais c'est un nombre, en fait, c'est un bond impressionnant dans le cas des myopies. Comment est-ce que les spécialistes expliquent cette croissance marquée de la myopie au cours des dernières années? C'est une bonne question, mais personne n'a encore la bonne réponse, ou du moins pas une réponse complète. Tout d'abord parce qu'on n'a pas assez d'études épidémiologiques systématiques et sur de longue durée qui étudient le développement de la myopie chez les jeunes. Le phénomène de croissance dont on a parlé est relativement récent. Ainsi, il y a plusieurs hypothèses qui expliqueraient la recrudescence de la myopie, mais deux principales se distinguent. Alors, la première, tout d'abord, la première hypothèse, c'est la plus intuitive et la plus simple à comprendre, c'est l'essor technologique et plus particulièrement la démocratisation de l'usage des tablettes, des téléphones intelligents, etc. Il est indéniable aujourd'hui que les jeunes passent beaucoup plus de temps, si ce n'est beaucoup trop de temps, rimé à l'écran de leur tablette, cellulaire et autres ordinateurs, à l'école comme à la maison d'ailleurs, en plus de la télévision et l'étude de proches pour leurs devoirs aussi. Tout ça ne peut qu'impacter négativement l'œil et la vision. Toutefois, en absence encore une fois d'études épidémiologiques spécifiques qui mettent en relation le temps passé sur un écran et la prévalence de la myopie, on ne peut conclure sur la justesse de cette hypothèse. C'est pas parce que deux courbes se suivent les mêmes tendances qu'elles sont nécessairement liées. C'est un fait. Tout à fait. Et la deuxième option ou la deuxième hypothèse qui paraît, du moins de mon point de vue, la plus possible, en vue des recherches qui sont faites, c'est le manque d'exposition au soleil ou à la lumière naturelle. En fait, ça a été découvert par hasard en Californie en 2007 en faisant une étude chez 500 enfants de 8 à 9 ans à peu près qui avaient une vision saine pour voir s'ils allaient développer ou non la myopie. On posait plusieurs questions sur comment ils passaient leur journée, s'ils faisaient du sport, s'ils sortaient dehors, etc. Après une période de 5 ans, un enfant sur 5 développait la myopie et le facteur de risque qui revenait le plus souvent et qui était le plus associé était le fait de sortir à l'extérieur. Ah bon, ok. Donc après plusieurs études qui ont suivi aussi pour tester que c'est cet effet-là d'aller à l'extérieur qui avait un effet positif sur les enfants, notamment il y avait des recherches qui ont été faites en Asie et en Australie pour essayer de comprendre ce phénomène, en prenant soin, bien évidemment, de vérifier que ce n'est pas l'activité physique liée au fait de sortir dehors qui était responsable de ce résultat positif. Et au passage, il faut mentionner aussi que cette hypothèse a été aussi vérifiée chez des animaux tels que le poulet ou le singe. OK. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour être moins myope? Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on peut faire. Malheureusement, pour les adultes, il y a un certain fatalisme dans le fait de devenir myope ou pas. Par contre, pour les enfants et les jeunes adultes, l'œil est en croissance et en développement permanent. Donc, au-delà du déterminisme dicté par la génétique, il y a moyen d'atténuer l'apparition, la progression ou l'aggravation de la myopie. Mais un conseil général qui est préconisé, c'est la règle du 20-20-20. Qui veut dire? À intervalle de 20 minutes de travail, il faut s'arrêter au moins 20 secondes pour regarder à 20 pieds. Okay. Ce qui a pour effet de détendre les muscles constricteurs de l'œil et refocaliser la mise au point de l'œil. C'est comme quand on travaille sur un ordinateur et qu'on nous demande de faire des mouvements avec nos mains ou nos doigts pour nos articulations. Aussi, une règle de bon sens simple pour les enfants, c'est de sortir jouer à l'extérieur, de préférence le jour, pas la nuit, et idéalement réduire le temps passé à utiliser leur tablette. Je voudrais aussi mentionner que j'ai lu quelque part en préparant cette chronique que en 1904 un chirurgien anglais bien connu à son époque du nom d'Henry Edward Schuller avait déjà écrit dans son livre A Handbook of Ophthalmic Science and Practice que si la myopie devenait stationnaire, il faudrait prescrire de changer d'air ou de faire un voyage en mer si possible. Donc, en quelque sorte, ça nous a pris environ un siècle pour revenir à ce que certains pensaient intuitivement être un remède à la myopie. Donc, si on retient la leçon, se détacher de notre écran, lever les yeux et regarder loin à toutes les 20 minutes. 20 secondes. Idéalement. Et si on a des enfants, les faire sortir jouer à l'extérieur effectivement, le plus possible. Merci, Moustapha.